L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les chercheurs de la collaboration internationale Fermilat viennent de trouver le premier pulsar à rayons gamma situé dans une autre galaxie que la nôtre. Il s'appelle PSR J0540-6919 et se trouve dans la galaxie naine voisine du Grand Nuage de Magellan. Il devient par la même occasion le pulsar gamma le plus intense jamais observé. Ce pulsar se trouve sur le bord de la nébuleuse de la Tarentule, au sein du Grand Nuage de Magellan, à environ 163 000 années-lumière. La nébuleuse de la Tarentule est la plus grande et la plus active région de formation d'étoiles que nous connaissons dans notre voisinage proche. Elle est aussi assez complexe et avait été identifiée depuis le début de la mission du télescope spatial Fermi comme une source intense de rayons gamma. Les astrophysiciens avaient initialement attribué ces émissions gamma à des interactions de particules accélérées par des ondes de choc induites par des supernovas. Mais la découverte des pulsations provenant de ce pulsar PSR J0540-6919 indiquèrent qu'à lui seul, il produisait la moitié du flux gamma détecté dans la Tarentule, l'autre moitié étant produite par un deuxième pulsar proche, PSR J0537-6910, ainsi qu'à des sources diffuses. Alors, il faut rappeler que des pulsations sont observées car les pulsars des étoiles à neutrons en rotation produisent du rayonnement selon une direction polaire mais qui ne coïncide pas avec leur axe de rotation. À la manière du faisceau lumineux d'un phare, il suffit que la Terre se trouve dans le champ balayé par le faisceau au cours de la rotation pour que nous observions une pulsation périodique de rayonnement. La fréquence de la pulsation correspond simplement à la fréquence de la rotation de l'étoile à neutrons. Et les pulsars émettent principalement des ondes radio, mais certains accompagnent ces rayonnements par des photons d'énergie beaucoup plus élevés, des photons gamma. Le pulsar gamma qui détenait le record d'intensité gamma jusqu'à aujourd'hui était le célèbre pulsar du crabe, qui se trouve au centre de la nébuleuse éponyme, jeune résidu de la supernova apparue dans le ciel en 1054 et observé par les astronomes chinois durant 2 ans. PSR J0540-6919 est 20 fois plus brillant que le pulsar du crabe. Le plus curieux, c'est que le pulsar du crabe et PSR J0540-6919 ont des intensités très similaires dans les autres longueurs d'onde, en radio, visible et rayon X, et sont souvent appelés les pulsars jumeaux tant ils ont des caractéristiques proches, à commencer par leur âge respectif, 961 ans pour le premier et 1140 ans pour le second. Leur différence en rayon gamma devrait donc permettre aux astrophysiciens de mieux cerner la physique extrême qui nourrit ces jeunes pulsars et leur magnétosphère, d'où doivent provenir les rayons gamma. Ils ont au moins trouvé un joli objet d'étude qui pourrait vite devenir une nouvelle référence. L'article de la collaboration Fermilat est paru dans Science, aujourd'hui le 13 novembre 2015, avec pour titre « An extremely bright gamma-ray pulsar in the large Magellanic cloud ». Un pulsar gamma extrêmement brillant dans le grand nuage de Magellan. Restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Vous retrouvez également ce podcast sur podcloud.fr ainsi que sur iTunes. À très bientôt et d'ici là, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Salut !